Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, s'est entretenu le 12 courant au Palais des congrès de Mansudae à Pyongyang avec Gonoe Dadadeiru, président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et sa suite, qui lui ont rendu une visite protocolaire.